Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour ce dernier segment d'émission, nous allons plonger dans le monde du cancer. Selon le ministère de la Santé, près d'un Québécois sur deux sera touché par le cancer au cours de sa vie et cette maladie reste la principale cause de décès au Canada depuis 2005. Alors aujourd'hui, avec Marie-Claude Lafitte, on va essayer de comprendre comment se déclenche un cancer et comment essayer de prévenir son apparition. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors on sait que le cancer, c'est une maladie, mais finalement, que se passe-t-il dans le corps humain quand on dit qu'il est atteint de cancer? En termes biologiques, en fait, le cancer est caractérisé par une multiplication anormalement importante des cellules. Donc en temps normal, les cellules qui constituent un tissu ou un organe vivent en équilibre. C'est-à-dire qu'un certain nombre de cellules se multiplient et d'autres meurent afin de permettre le renouvellement des cellules et ainsi maintenir le corps en santé. Cet équilibre se fait de manière contrôlée sous l'influence de différents signaux dont la fonction est de régir le nombre de cellules pour assurer le bon fonctionnement des organes. Alors le cancer, lui, apparaît lorsque les cellules n'obéissent plus à ces signaux et se multiplient sans arrêt de manière incontrôlée. D'accord. Mais pourquoi les cellules n'obéissent plus à ces signaux et se mettent à se multiplier de manière incontrôlée? Est-ce qu'il y a un prélude à ce dysfonctionnement? En fait, les cancers sont causés par une lésion qui se produit dans nos gènes, dans notre ADN. Ce type de changement est appelé mutation génétique et ces mutations sont comme des fautes d'orthographe dans notre ADN. Donc, en temps normal, ces fautes sont corrigées, mais certaines peuvent échapper au correcteur et empêcher alors les gènes de fonctionner normalement, ce qui entraîne le cancer. Mmh. Et quel est le lien entre les mutations sur ces gènes et l'apparition du cancer en tant que tel? Ces mutations, en général, elles apparaissent sur des gènes qui jouent un rôle important dans la multiplication des cellules. Comme je l'ai expliqué au début, les cellules deviennent cancéreuses si elles se multiplient anormalement. Et en temps normal, le contrôle de la multiplication est assuré par des gènes spécifiques. Mais lorsque ces gènes sont mutés, ils ne fonctionnent plus normalement, donc ils n'arrivent plus à contrôler la prolifération des cellules, qui ne cessent alors de se multiplier sans aucun signal d'arrêt, provoquant ainsi le cancer. Mmh. Et si on remonte plus loin en amont dans le processus, d'où viennent ces mutations et comment elles arrivent sur les gènes? En fait, ces mutations, elles peuvent se produire par hasard ou elles peuvent être héréditaires. Les mutations héréditaires, elles sont transmises d'un parent à un enfant, mais en fait, elles ne représentent que 5 à 10% des cancers. Le reste des cancers se manifestent à cause de mutations survenues par hasard, qui s'accumulent tout au long d'une vie, et à un moment, l'une d'entre elles ou la combinaison de plusieurs peuvent alors entraîner le cancer. D'accord. Et est-ce que certaines situations, certains facteurs peuvent favoriser l'apparition de ces mutations? Oui, tout à fait, parce que les mutations qui ne sont pas héréditaires peuvent être influencées par des facteurs extérieurs que l'on appelle facteurs de risque et qui peuvent conduire à l'apparition de mutations responsables de cancer. Donc, parmi les facteurs de risque les plus connus, on trouve le tabagisme, puisque la fumée de tabac contient plus de 50 substances cancérogènes favorisant l'apparition de cancer des poumons ou du cancer des bronches. On soupçonne également les substances chimiques comme les colorants industriels ou encore l'amiante de favoriser l'apparition de cancer. Il y a aussi les radiations ionisantes qui sont produites par les déchets nucléaires, par exemple, et qui, à forte dose, provoquent le cancer des os. Et on sait aussi que certains virus sont responsables des cancers, comme par exemple le papillomavirus qui cause le cancer du col de l'utérus. Et puis évidemment, il y a les rayons du soleil, ça tout le monde est au courant. Ces rayons-là, on les appelle également ultraviolets. Et ils provoquent des lésions cutanées qui peuvent entraîner le cancer de la peau si on s'y expose de manière prolongée. Mais en fait, en général, bien des années passent entre l'exposition aux facteurs de risque qui causent le cancer et l'apparition de ce cancer. C'est également pour cette raison que le risque de cancer augmente au fur et à mesure qu'une personne vieillit, parce que les mutations ont eu plus de temps pour s'accumuler. Effectivement. Et alors, une fois ces mutations apparues, comment se propage le cancer? En général, c'est l'accumulation de plusieurs mutations qui engendre un dysfonctionnement des cellules et les amène à se multiplier anormalement. Ces cellules, elles vont alors former une masse de cellules cancéreuses appelée tumeur. Cette masse-là, elle peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années avant de former une bosse suffisamment grosse pour être détectée par radio et diagnostiquée par un médecin. Dans cette tumeur, parfois les cellules cancéreuses restent à leur emplacement d'origine et la tumeur ne se développe alors que localement. Mais dans d'autres cas, les cellules cancéreuses peuvent envahir les tissus avoisinants et parfois elles peuvent même se décoller et circuler dans le sang pour aller envahir d'autres organes. À ce moment-là, on a affaire à une dissémination du cancer dans l'ensemble du corps que l'on appelle métastase. Et certains cancers sont plus propices à se propager que d'autres pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il n'est pas vraiment clair pourquoi certains cancers sont localisés et d'autres non. Puis j'imagine alors que selon l'endroit et le nombre d'organes affectés par le cancer, les traitements vont être différents. En effet, parce que pour les cancers localisés, on aura tendance à faire appel à la chirurgie qui permet d'enlever les cellules cancéreuses qui sont regroupées ensemble. Donc dans ce cas, les chirurgiens enlèvent, en plus des cellules cancéreuses, ils enlèvent également les cellules normales entourant les cellules cancéreuses pour pouvoir les analyser et déterminer si le cancer commence déjà à se propager à d'autres cellules. Il y a aussi, pour traiter le cancer, le traitement par radiothérapie qui consiste à exposer les cellules cancéreuses à des rayons en vue de les détruire. Donc ce traitement-là, il est généralement utilisé pour contrôler localement la tumeur quand elle s'est propagée uniquement au tissu avoisinant. Et la chimiothérapie utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps, donc une fois que le cancer s'est disséminé. D'accord. Et est-ce qu'on peut réduire soi-même le risque d'attraper de développer un cancer ? De manière générale, en fait, une alimentation saine et équilibrée, sans excès d'alcool ni de tabac, réduit les risques d'attraper un cancer. On a en effet beaucoup d'études qui ont impliqué l'alimentation comme facteur de risque pour le développement de cancer, et notamment la consommation de sucre, puisque certaines études affirment même que le cancer se nourrissait de sucre. Ah. Mais en fait, à ce jour, aucune étude n'a démontré un lien direct entre la consommation de sucre et l'apparition ou le développement de cancer. Mais par contre, la consommation excessive de sucre favorise l'obésité, qui lui est un facteur de risque connu pour l'apparition de cancer. Donc la prévention contre le cancer, elle réside aussi dans la diminution de la consommation d'alcool, de graisse animale, surtout les viandes transformées, puisque leur consommation à outrance favoriserait le cancer. Et bien évidemment, éviter l'exposition au soleil permet également de prévenir un cancer de la peau. Donc il y a donc bien une marge de manœuvre à notre disposition qui pourrait nous permettre de prévenir la survenue de cancer en adoptant un mode de vie plus sain et sans excès. Absolument. Ben, merci Marie-Claude pour ces clés qui nous permettent de mieux comprendre le cancer. Et j'aimerais te rappeler également que toi tu fais ton doctorat sur le cancer, n'est-ce pas ? J'ai fait mon doctorat sur l'infectiologie et l'immunologie. D'accord. Et donc tu vas bientôt soutenir ta thèse. Oui. Voilà. Alors j'aimerais, en fait, nous te souhaitons tous les meilleures chances pour passer avec succès à travers cette épreuve. Merci Valérie.